Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-7. Fais juste Mike, reste le best pour ta 7-5. Un mic avec mon crew et mes potes. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Fais juste Mike, reste le best pour ta 7-5. Un mic avec mon crew et mes potes. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Flank, comme un 3-5-7, origine 7-5. Félix au mic, reste le best pour ta 7-5. Dingue-le, beat tourne avec Marie, mon duo. En solo, avec juste la main gauche de Ken Duo. De la scène, F-E-L-I-X. Même pas la peine, hip-hop de first class. Et quand je pose les projets de 1-2, débarque, ma clique unique, les vieux qui résistent. Quand on passe, ils deviennent bleus, on est bleus. On en a pas peur, et sache que rappeur, on fera ce qu'on peut pour foutre le dawa. Avec tout sans projecteur, sous les spotlights. Tonight, that's my life. Ça, c'est le delivery, donc bouge tes fesses et range tes ongles de Freddy. Les délancés. C'est double 6, le 12ème pour ton kiff. Au mic, tu sais qu'on est les seuls à faire vibrer tes tifs. 7-5-0-1-2 pour le premier couplet. Des rimes de tueurs en série, ouais, c'est ça qui te plaît. Mec, tu sais que mon origine c'est le 7-7. Fais juste au mic, reste le best pour ta 7-5. Un mic avec mon crew et mes potes. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Un mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Fais juste au mic, reste le best pour ta 7-5. Un mic avec mon crew et mes potes. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Dans tous mes couplets, à tout le monde, chic, j'plais. Pense, t'es plaît, trop de soupais. T'avais mes s'il te plaît. Félix, sans cesse, écrit des tonnes dreams. J'te donne que du bon à chaque fois. Quand Mike avec sa team dream. Un crime au mic, j'suis. Toi-même, tu sais, c'est comme une compétition. Ouais, tu sais que j'essaie d'être le best des best. Le boss des boss. Et ce sera pas dans la farine que je roulerai ma bosse. Je dosse le numéro 1 à chaque fois. D'origine 7-5, mon son te fait perdre la voix. Et boy, faut pas dormir, suivre le mouvement. Et sache que chaque phase, ça, j'y suis son rare, mon grand. T'es dedans. Et même si tu ne veux pas, sache qu'on ne blague pas avec les faux gars. Nous on vise dans le tas. Félix, Félix, yeah, le 12ème, Paris. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Yeah, yeah, yeah, yeah. Félix au mic, reste le best pour ta 7-5. Au mic, nique tout avec mon crew et mes punks. Ouais, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. En plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Fais juste au mic, reste le best pour ta 7-5. Au mic, nique tout avec mon crew et mes punks. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Félix au mic, reste le best pour ta 7-5. Au mic, nique tout avec mon crew et mes punks. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Félix au mic, reste le best pour ta 7-5. Au mic, nique tout avec mon crew et mes punks. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5. Hey mec, tu sais que mon origine c'est le 7-5. Félix au mic, reste le best pour ta 7-5. Au mic, nique tout avec mon crew et mes punks. Ouais, en plus tu sais qu'on reste les best pour ta 7-5.